Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau Bonux, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est plus le capitaine Sirf Stubbing aux commandes de cette croisière, mais un duo de chroniqueurs qui évoqueront ensemble une thématique. Alors pour ce numéro de rentrée, Mr. Wiz et moi-même, Mikado Twix, nous évoquerons un sujet majeur des 80s, l'Italo-Disco. Comment vas-tu Wiz, alors cet été ? Ben cet été va bien, et moi aussi, et la vie est belle. Et sinon, Wiz, une grande question que tout le monde se pose. Croque-vacances ou récré à deux ? Eh bien, ce sera Vitamine, parce que c'est l'émission qui donne bonne mine. Ah ben, évidemment. En fait, non, c'est pas ça. Ça sera Croque-vacances, et Croque-vacances pour deux raisons, pour Ricky ou la belle vie et Punky Brewster. Ah, voilà. Moi, c'était pour Clémentine et je sais plus comment il s'appelle, le lapin. J'ai un blanc, c'est moche. Isidore, hein. Isidore, oh là là, quelle honte. Donc, Mr. Wiz, pour en revenir un petit peu à notre sujet du jour, l'Italo-Disco. Fais-nous un petit historique de ce dossier qu'est l'Italo-Disco. Alors, vous vous demandez tous, hein. Enfin, évidemment, tous. Pourquoi l'Italo-Disco ? Pour moi, tout de suite, là, j'aurais dit années 70, hein, pas plus. Hein, tu vois, même pas, mais justement, c'est quelque chose dont toi, mais probablement d'autres, ne se souviennent absolument pas. Mais en fait, vous vous en souvenez, mais vous ne le savez pas. C'est tout à fait ça, je pense. Donc en fait, c'est très simple. L'Italo-Disco, on va passer un morceau tout de suite, et puis comme ça, vous allez être dans l'ambiance immédiatement. L'Italo-Disco, c'est ça. Ah bah là, direct, là, tu dégaines sur du top 50, là, c'est clair et net, quoi. Et oui. Ah, donc ça, tu considères que c'est de l'Italo-Disco, c'est quoi ? C'est quel groupe, dis-nous tout, Wiz ? Le monsieur s'appelle Pi Lion, je ne sais plus à quoi correspond le Pi. C'est un morceau qui s'appelle Dream, qui est de 1984, et on est en plein dans l'âge d'or, et dans le maître étalon de l'Italo-Disco, qui est un genre informel, en fait, qui ne s'est jamais revendiqué comme ça, et qui n'a pris véritablement le nom d'Italo-Disco que quand on a commencé à faire des compiles. Avant, oui. Il y avait plein de gens qui faisaient de la musique un peu comme ça en Italie. Et puis un jour, ils ont voulu faire une compilation avec tout ce qui se faisait. Et ils se sont dit, mais mince, comment on va appeler ça ? On va appeler ça Italo Disco parce que bah, c'est Italo et puis c'est disco. Ouais, mais c'était pas un petit peu en fin de vie parce que quand tu penses disco, moi, bête et discipliné, je pense fief du samedi soir. Et je me dis, ouais, au début des années 80, c'est terminé le disco. Donc c'est un sous-genre du disco, en quelque sorte, peut-être, non ? C'est un peu une évole, ouais. C'est un peu un 2.0, on va dire, qui reprend des bases de la musique disco, vraiment telle que tout le monde la connaît dans les années 70, mais sur un mode beaucoup plus synthétique. Là où la musique disco, justement, tu sors la fève du samedi soir, c'est des instruments vraiment conventionnels, c'est des vraies basses, des vrais cuivres. Et alors, en fait, l'Italo Disco, c'est tout le contraire, quoi. C'est un truc tout cheap, avec trois touches, avec trois notes et de la batterie. Sponsorisé par Bon Tant Pis, quoi, non ? C'est carrément ça. c'est carrément ça. Cela dit, ça a été très inspiré naturellement par des tubes disco, et en particulier ceux qui, justement, commençaient à franchir un petit peu la frontière et à intégrer toute la partie, tous les nouveaux synthétiseurs à leur son. Alors, je pense en particulier au gros carton de Donna Summer en 77. Oui, évidemment, I feel Love. Exactement. Donna Summer qui est selon moi une des références disco, un titre qui personnellement je prends toujours autant de plaisir à l'écouter. D'ailleurs on va s'en écouter un petit extrait. C'est parti. Thank you. Alors, ouais, donc ça, fatalement, tout le monde connaît. I feel love. Non, bon, j'arrête, mais j'ai promis à mes enfants que je ne chanterai plus en podcast. C'est compliqué. Non, mais non, non, non. Après, on va faire une compile des meilleurs tubes de Mika. Alors, tu vois, moi, Donna Summer, bon, c'est le petit aparté, mais moi, j'étais persuadé que c'était de la production italienne, et il me semble que non, de ce que tu me disais quand on a préparé l'émission. Alors, Moroder, il est italien. Par contre, à mon sens, j'ai pas retrouvé pile poil tout l'historique, mais Donna Summer, elle bossait essentiellement en Allemagne à l'époque, et Moroder, à mon sens, travaillait aussi côté allemand. En tout cas, c'est pas, on n'est pas dans le côté qui va vraiment se développer quelques années après avec des compositeurs italiens, des producteurs italiens, enregistrés en Italie, chantés en italien par des Italiens. Enfin voilà, il y a une ça reste dans la famille, hein, tu ça comprends. Ça reste un peu dans la famille, mais là, bah, voilà, il n'y a que le beau-frère qui est dedans. C'est à peu près ça, ouais. Donc c'est encore que le début. Et dans les inspirations, on peut aussi donner deux tubes, en particulier un truc de Cérone, ah, de 77 aussi. Eh oui, Supernature. Oui. Alors moi, j'ai une petite anecdote avant qu'on s'écoute ce morceau. Je me souviens avoir d'ailleurs bon, déjà, c'est un morceau que j'affectionne toujours autant. Cérone, d'une manière générale, c'est un artiste assez complet parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est un batteur qui fait de la batterie. Et le mec a réussi à mettre, si je puis me permettre l'expression, son instrument en avant. Et ce qui est chose rarissime dans l'univers de la batterie. Et moi, pour revenir au morceau, et ben moi, je l'ai découvert bêtement dans Ben Hill. Quand il faisait peu le kéké à Ben Hill, il faisait le beau, tu sais, avec ses Marcel et tout, genre coupe un peu frisette, tu sais, mille et une perruques. Et j'ai découvert ce vraiment cultissime titre par Ben Hill. Voilà, donc, on va s'en écouter un petit extrait. Tu vois, c'est indémodable pour moi. Tu vois, c'est la base, mais c'est des titres, on en parlera en fin d'émission, mais qui traversent le temps, je trouve, ça, tu vois. Tu mets ça, on va dire, en discothèque, et bah, les gens, ils dansent toujours dessus, tu vois. C'est festif comme genre de chanson, je trouve. Maintenant, ça marche bien, mais honnêtement, il y a eu un passage à vide de ce genre de musique. Alors, est-ce que déjà en 77, date de sortie de Supernature, c'était déjà, on va dire, pas obsolète, mais un peu ringard, on va dire. Il a quand même fait un paquet de disques, il a enchaîné pendant plusieurs années. Si ça terminait direct dans les solderies, honnêtement, il se serait arrêté au deuxième, donc ça marchait à l'époque. Je pense, ouais. Mais il y a eu un vrai passage à vide. Et moi, à l'origine, c'est Ron et l'autre morceau que j'ai sélectionné, je les ai découverts parce que c'était des disques qu'on achetait 50 centimes chez Emmaüs à une époque. Ah, d'accord. Non, moi, je connaissais déjà le morceau. Et donc, c'est la même chose pour un morceau en plus que j'ai sélectionné. Toujours dans les bases, hein, on va dire les inspirations. Hein. Toujours dans l'inspiration, et c'est un morceau qui est lui aussi encore français, d'un groupe qui s'appelle Space, qui n'a plus d'actualité qu'en Russie, il me semble. Ah bon ? Il est plus connu que là-bas. Et c'est encore un morceau de 77 qui s'appelle Magic Fly, et qu'on va écouter tout de suite. Alors, moi, si je peux rebondir sur ce titre, je connaissais absolument pas ce groupe. honte sur moi d'ailleurs. Et honnêtement, je suis tombé amoureux. C'est, pour moi, c'est la découverte, parce qu'évidemment, je ne suis pas du tout fin expert de tout ce qui est du sujet du jour. C'est surtout toi, Wiz, l'expert. Yeah. En revanche, j'ai découvert donc, le groupe Space. Déjà, esthétiquement, franchement, les Daft Punk, ils ont tout pris chez eux. Parce que les mecs, ils étaient déjà en casque. Leurs clips, ils sont assez, on va dire, intemporels, façon de parler. Et le morceau qu'on vient d'entendre, je le trouve anthologique. Et donc, je me suis fait un devoir de... Bah, par curiosité, j'ai écouté l'album et je le trouve exceptionnel. Et notamment, il y a un morceau, bon, c'est un petit aparté, qui s'appelle Fasten Seat Belt. Mm-hmm. Je crois qu'il est le deuxième titre de l'album et qui fait furieusement penser au générique de Jace et les Conquérants de la Lumière. Et à tel point que limite tu fais un mash-up, et ben la chanson elle fonctionnerait terriblement quoi. Vrai. Donc l'univers de ce groupe musicalement et visuellement est vraiment, on va dire c'est les ancêtres des Daft Punk je trouve. C'est une sonorité qui est extrêmement française. Les synthés, enfin la musique autour des synthés en France à l'époque, ça a une identité qui est vraiment vraiment spécifique. Il faut que ça soit très très, c'est toujours très mélodieux et c'est toujours teinté d'une certaine mélancolie, je trouve. Ah bah c'est tout à fait ça. Mais bon, tu sens que c'est des sons d'époque. Mais moi, enfin, je trouve pareil, c'est intemporel. Donc c'est là, t'es dans Temps X, tu vois, avec les Bogdanov à côté de toi, quoi. C'est complètement ça. Mais il me semble d'ailleurs que le générique de Temps X a été fait par Space, par Marwani, qui est un des deux leaders de Space. Ah, c'est pas impossible. Hein. Ouais, bah en même temps, tu sens que c'est les mêmes univers. Hein. T'es limite, ils ont les mêmes combinaisons, les mecs. Hein. Ah oui. Si Daft Punk avait fait du bal musette, on se serait demandé, mais là, bon, là, on se demande pas du tout, quoi. Ah bah non, mais c'est vraiment évident. Hein. Donc tout ce bouillonnement un peu créatif, d'où que ça vienne, là, c'est relativement français, mais Donna Summer, voilà, enfin, on est dans quelque chose d'européen, on va dire. Il y a une vraie émulation qui se fait à la fois sur, je vais pas dire les cendres du disco, parce que 77, c'est encore très neuf, mais avec ce côté synthé qui commence à s'imposer, ça donne des idées un peu à droite à gauche, et ça va naturellement aboutir à une production qui va commencer à s'aimer en Italie. Et du coup, selon toi, quel est, on va dire, un des premiers titres du genre italo-disco? Alors le premier titre, il est pareil, il est comme globalement tout ce qu'on a pu sélectionner, il est très très connu et il a même servi de jingle à une publicité que je ne nommerai pas tout de suite. Je suis sûr que tu feras ça très bien. Et donc c'est un tube de 78 d'un groupe qui s'appelle La Bionda. Globalement, où que tu regardes, tous les historiens de l'italo-disco vont se mettre d'accord sur le fait que c'est un peu le premier du genre. C'est une chanson. Premier hit ou premier du genre? Ou les deux? Je pense que c'est premier hit. Après, il y a beaucoup à prendre et à acheter, mais dans les titres qui restent encore aujourd'hui et qui, limite, qui passent encore aujourd'hui et que les gens connaissent, c'est vraiment le premier. Et c'est When for You, When Ouh là for là. Me. On s'écoute ça. Ah, ça a quand même un petit peu vieilli. Là, tu disais que c'était la musique de pub. Oui. Eh ben, je vois pas. Non, mais j'ai honte sur moi. Je pense que nos auditeurs doivent bouillonner. Genre, ah, c'est la musique de... Je sais pas. La musique, c'est Régilet. Oh, oui, évidemment. Est-ce que du coup, pour me faire pardonner, on n'écouterait pas un petit morceau de Régilet, là? Oh, si, on va se allez, faire ça. Allez, Régilet. Oh là là, j'ai honte. Allez, c'est parti. Régilet, tu me plais. Régilet, je lui plais. La légèreté, nous, ça nous plaît. Régilet, léger, petit déjeuner. donner Régilet, la forme qui nous plaît. Ah ouais, ah oui, one for you, Régilet. Ah ouais, non mais, ah non, mais je m'en veux, hein, franchement. Non, non, il n'y a pas de mal. D'accord, donc Régilet, c'est directement tiré de ça, fallait le savoir, hein, je note. Hein. Oui, oh bah, tu sais, moi à l'origine, comme beaucoup, j'ai connu le morceau par la boîte de lait en poudre, hein, donc... Oui, le Régis Léger au petit déjeuner. Quoi. Exactement, exactement. On est encore avec ça, c'est le premier, mais on est encore dans du proto-italo-disco parce qu'il y a encore... Oui, parce qu'ils chantent en anglais surtout, ils chantent pas du tout en italien, ils assument pas là, non? Ils assument pas, mais par la suite, on fera de l'anglais aussi. Hein. Le tout, c'est que ça soit très bête, donc là, on est vraiment... Enfin, c'est pas one du BHL. One for you, quoi. One for me, on est pas mal quand même. Hein. Non, c'est top, quoi, enfin... Mais surtout, on a encore des instruments conventionnels. Donc, c'est une patte avant, une patte après, quoi. One for you, one for me. Là, il manque les maracas un peu, quand même, hein, non? Ça pourrait. Ça pourrait. On est un peu dans le clicheton, quand même. Hein. Bah, c'est pas Los Machucambos, mais bon. On est pas mal. Pour l'anecdote, à partir de ce moment-là, dès qu'on atteint la fin des années 70, le début des années 80, bah, y a de moins en moins de disco pur, on va dire. Ça commence à tomber légèrement en désuétude. Mais en Italie, ils aiment encore beaucoup ça. D'accord, il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça. Et en France, on était déjà passé à la funk, hein, je pense, hein, non? Je pense, parce que moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de trucs vraiment très disco. Du disco français, comme ça, j'en ai pas tellement en tête. Hein. Oh, bah, il y a Ottawan. Je sais pas. Ça me dit rien comme ça. Oh, des ISCO, non, ça te dit? Ah oui, oulala, ouf. C'est les ancêtres de. Pour moi, c'est les ancêtres de la compagnie créole, en fait. Oui, oui, un petit peu. Ouais. C'est un petit peu ça. Ah, bon. On s'égare, cher ami. Restons un peu sur notre sujet du jour. Donc, non, c'est pas faux. Et donc, il y a encore un vrai marché pour tout ce qui est disco, mais avec le cours de la lire, toute la musique importée coûte affreusement cher. Donc, ils se sont dit, bah, plutôt que d'aller importer des 45 tours de France, on va plutôt en faire nous-mêmes comme des grands, parce que bon, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis comme ça, on va peut-être éventuellement les exporter. Donc, en fait, la raison de base, elle est économique. Elle est un peu économique. Ah, c'est marrant, ça. C'est drôle quand même comme système. Quoi. Et du coup, tu as une idée si l'italo-disco, le genre italo-disco, ça s'exportait bien? Alors, ça s'est très bien exporté. Typiquement, si j'ai choisi le truc, c'est parce que moi, j'ai adoré ça. T'as l'oreille musicale, mais on va dire le grand public, moi, par exemple, tu vois, qui n'est pas, on va dire, un expert d'italo-disco. Disco, les titres que tu m'as préparés, c'est des titres que je suis obligé de connaître ou pas? C'est des titres que tu es obligé de connaître. Donc ça veut dire que ça marchait bien. Ah oui, que oui, nos parents, oui, ils écoutaient ça. Ça a clairement très très bien marché en France. Ça n'a pas du tout marché en Angleterre, par exemple. Et sinon, là, je crois que le titre suivant que tu as nous proposé, je ne m'en souvenais pas du tout. En revanche, dès que tu l'as mis, je fais « Oh là là, ouais, c'est le synthé, ça m'a marqué à vie. » Là, on zappe de 3 ans en avant parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre les deux. Donc, 81, un groupe qui s'appelle Casso et qui a fait un titre qui s'appelle Walkman. Classique, là, on est dans les stéréotypes. Hein. Bon, complet, tu vois, tu connaissais aussi. Ah oui, et donc on s'écoute le morceau. Bah là, on est complètement dans le bon tant pis, là, non? Complètement assumé, là, non? Là, je crois qu'il n'y a plus rien de classique. Enfin, on est dans du synthétique. On est dans du zéro et du, hein, je pense, hein, pas plus. Hein. Ah bah oui, c'est complètement cher. Et c'est vrai que, bon, ce morceau, il y a pas de parole, il y a rien, mais moi, il m'avait marqué, tu vois. Quand je l'ai réécouté, je fais « Oh !» Mais oui, évidemment que je m'en souviens. Enfin, je sais pas, toi, c'est l'affect que tu as par rapport au titre. Mais si c'est parce que c'est un truc que t'as dû entendre quand t'étais môme ou quoi, mais... Mais moi, c'est pareil, ce morceau-là, quand j'ai redécouvert, parce qu'il y a un petit peu longtemps, j'avais acheté une compile génialissime qui s'appelait Tutto Disco. Tutto Disco. Tutto Disco. Qui reprenait des choses dont je connaissais les titres. Là, il n'y avait aucun souci que il y en a certains qui sont dans la sélection. Mm-hmm. Et puis des titres aussi qui ne disaient absolument rien, mais il a suffi de 3 secondes pour... Ah oh, oui, c'était ça. Ah bah oui, bah, c'était ça la force de ce type de morceau, c'est que en trois notes, t'avais identifié la chanson. Et est-ce que peut-être, alors ça, bon, malheureusement, je m'en souviens pas, mais est-ce qu'il y avait un clip sur ce titre Walkman? Pas trouvé. Ah, parce que là, tu sens tout de suite le clicheton avec le baladeur Sony et les rollers, hein, non? Ah oui, non, mais ça pourrait, mais non, parce que sur YouTube, en fait, les seules vidéos que j'ai trouvées, c'est un plan fixe sur le disque qui tourne. D'accord, donc, en gros, là, pour résumer, tu nous as présenté, on va dire, les origines. C'est un peu le début, les, ouais. Les débuts de titre, mais en gros, oui, c'est quoi l'Italo Disco? Parce que on est un peu disco, mais on est plus dans la période disco, on est dans la production italienne, il faut que tu nous développes un petit peu ça. Les premières bases, on l'a vraiment dans le dernier morceau, c'est quelque chose de très très simple. C'est très binaire, non? C'est ultra binaire. Ça offre d'ailleurs l'avantage de pouvoir se découper très facilement. Genre, tu vas faire des 45, des maxi 45. Ah bah oui, là, tu des extend et tout. Tu peux faire des trucs sur 50 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, il faut que ça soit très simple. On est quand même sur de la rythmique disco et c'est le plus synthétique possible, quoi. C'est du gros synthé qui tâche. Par contre, on est quand même sur... ça vient quand même d'Italie. Et bon, la rengaine italienne, on fait quelque chose de mélodieux. Il faut toujours que ça reste bien en tête. Donc, c'est, généralement, ce n'est pas agressif. Parce que bon, au final, c'est un peu de la production industrielle qui est faite pour prendre masse. C'est, hein. Voilà, c'est ça. C'est fait, il faut vendre. Hein. Là, on cherche le tube hein, qui va rester en tête. De toute manière, les titres les plus marquants de l'histoire de la musique d'une manière générale, c'est le titre qui reste en tête, quoi. En deux écoutes, t'as retenu le morceau. C'est un peu ça. On a juste sélectionné les morceaux les plus emblématiques, mais il y a une production absolument pléthorique et il fonctionne un peu à la manière de ces logiciels, tu sais, qui essayent de craquer les mots de passe. Ils vont essayer toutes les combinaisons possibles. Donc, il y en a des caisses et des caisses et des caisses et de temps en temps, il y en avait un qui marchait, quoi. D'accord, donc, ouais, ça, donc coup de prod minime pour rendu maximum. Bon, sinon, est-ce que tu as autre chose à nous proposer? Vraiment, là, on rentre dans les, on va dire, les standards, les classiques. On est tout à fait dans le classique. Et donc là, c'était le premier version purement musicale. Dès qu'on commence à mettre un peu les bases de qu'est-ce qu'on va chanter par-dessus, c'est bon, tout est dit. Et le premier que j'ai sélectionné là-dessus, c'est un morceau de Ryan Paris qui s'appelle Dolce Vita. C'est pareil, c'est encore un petit peu en anglais, même si des fois, on se demande ce qu'il raconte. Mais tu connais aussi, c'est obligé. Ok, on s'écoute ça, c'est parti. Oui, moi celui-là, tu vois, je m'en souvenais bien en revanche. Pareil, c'est des titres que j'avais vraiment pas écoutés depuis cette période. Et je m'en souvenais, donc c'est que ça devait être le matraquage absolu au niveau du top 50. Hein. J'imagine, il n'y avait pas de top 50 à l'époque. Hein. Ah bah oui, 83, ouais, c'est 85 je crois le top 50 de mémoire. Donc là... on va dire à la radio d'époque. Les radios libres et tout. Ça devait être des morceaux qui passaient en boucle, ça. En plus, c'était facilement diffusable et tout. Ah, moi, ça m'a vraiment marqué. Donc, et pourquoi Dolce Vita? Je dirais pourquoi pas. Je pense qu'ils ont ils ont assumé à ce moment-là le côté rital, quoi. Enfin, voilà. Donc, le problème, moi, ce qui me dérange, c'est que le titre que tu as sélectionné juste après, j'ai ta playlist qui s'appelle Vamos a la Playa. Qui est un tout petit peu, j'ai envie de te dire, hors sujet, non? Ça peut avoir l'air hors sujet. On va écouter d'abord et puis je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si hors sujet que ça. Bomba estalló. Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh, oh. Alors moi, je vais être honnête, celui-ci, c'est compliqué aujourd'hui. Autant Dolce Vita, on va dire, tu le tolères d'époque, mais là, ça, Vamos a la playa, c'est raide aujourd'hui, écoutez, non ? Ça fait plus tube de l'été, mais version lambada, quoi, le truc qui te prend la tête assez rapidement. C'est quoi. Alors, la c'est... musique dans la peau, c'est comme ça. C'est moi, c'est bobo. Il va y avoir du lourd sur celui-là. Tu vas avoir des fans là. Si tu veux, je te fais l'intégrale de ce groupe. Bon, enfin bref, Vamos a la playa, dis-nous tout. Pourquoi ce titre ? Parce que, comme tu t'avais l'air de dire, il y avait une pléthore d'offres et de tubes en tout genre, mais pourquoi celui-là ? Pourquoi celui-là ? Bah, pareil, parce que celui-là a très bien marché. C'est en espagnol, comme tout le monde aura remarqué. Cela dit, pareil, le groupe Riga est italien et c'est écrit par des Italiens. La seule chose qui change, c'est la langue. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait du Vamos a la Playa ? Je sais pas, ils ont fait la Musclada avant l'heure, probablement. On est dans la thématique légère. Je pense que après Dolce Vita, Vamos a la Playa, c'est ce qui s'imposait. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut pas chercher midi à 14h. Non. D'autant plus qu'il peut y avoir plein de groupes différents. Par contre, il y a peu de prod. C'est-à-dire qu'en fait, derrière le groupe X, le groupe Y et le groupe Z, souvent on retrouve les mêmes têtes. Ça permet en tout cas de faire un focus sur un autre aspect super important de l'Italo Disco, c'est il faut que les paroles soient cons. D'accord, tout est dit là, non ? Ah oui, tout est dit. Et puis il y a le côté, parce que là on est quoi ? On est en 83, tu dis ? Ouais, pardon. On commence à avoir des débuts de clips. Oui, il y a de ça. Alors le visuel du clip, je pense que tu pourrais refaire avec la team un clip pas ultime volume 2 parce qu'ils sont tous à mettre à la poubelle. Enfin, c'est d'un kitsch. Difficile de savoir, c'est tellement kitsch qu'on sait même pas si c'est assumé ou pas. En fait, tu fais un gif animé, ça fait le clip, non ? Ouais. Ouais, avec des couleurs flash. Évidemment. Ça brille dans la nuit, c'est assez dramatique. Mais effectivement, il y a un côté visuel de l'artiste. Alors, c'est plutôt des mecs qui chantent. Et on va mettre en avant le beau gosse qui va essayer de rameuter la minette. Donc, ceux qui n'achètent pas à cause de la musique, ils vont acheter à cause de la tête au monsieur. De la jaquette, en fait. Ouais. À la jaquette, ils achètent. À la jaquette, ils disent ah ouais, ça je prends. Donc là, on est dans un style musical où c'est léger, c'est fait pour danser et tout. Mais je crois que dans l'Italo Disco, tu as des petites variantes qui sont à peu près calibrées pour le fameux quart d'heure américain. Oui. À partir du moment où on commence à mettre des chanteurs, mais tout seul, parce que les premiers titres, c'est plutôt des groupes. Alors, ils sont deux, ils sont trois. On commence à voir apparaître des mecs qui chantent seuls. On essaye de les mettre en valeur et tout. Toujours et pas de femmes. Hein. Toujours, enfin, quasiment pas. En tout cas, rien de vraiment notable. Il n'y a pas beaucoup de tubes qui sont interprétés par des femmes. Mais effectivement, quand on commence à mettre un peu le beau gosse en tête de gondole, il faut obligatoirement qu'il attaque le quart d'heure américain, quoi, c'est sûr. D'accord. Et est-ce que tu as un titre du coup à nous proposer ? Oh bah oui, encore un truc que je suis sûr que tu connais et ça s'appelle, c'est encore 83, on est vraiment dans les grandes années. C'est un morceau qui s'appelle I Like Chopin. Chopin, d'accord. On a fait la Dolce Vita, on a fait la Playa, maintenant on tape dans le Chopin. Tout va bien. Tiens, non, on fait l'intellectuel quand même. Hein. C'est ça. Bon, c'est parti. Used to say, I like Chopin. Oh, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's away. Oui, bah là carrément, c'est le quart d'heure américain d'époque. Hein. Là, c'est... On est complètement dans la thématique là. Ah oui. Mais moi je m'en souvenais pas de ce titre, tu vois. Enfin, pareil, c'est des titres que j'avais entendus d'époque. Donc, je pense que ma sœur devait écouter ça parce qu'elle est un tout petit peu plus âgée que moi. Mais comme ça, je sais pas un morceau que j'aurais cherché à réécouter, on va dire. Mais tu t'en souvenais ou... Absolument, bah, absolument. Ah quand même. Après de là à te dire le nom du groupe, le titre et tout. Souvent je pense que c'est assez délicat de tout retenir parce que déjà comme tu dis, il y avait l'air d'avoir une pléthore d'offres. Et puis c'était des groupes un petit peu interchangeables hein, quand même, non ? Alors il n'y a pas de vrai leader de groupe style, je ne sais pas moi, un Umberto Tozzi ou Zucchero, tu vois, ça, c'est pour rester un peu dans les, on va dire, artistes italiens. Là, c'était vraiment des groupes interchangeables. Tu changeais la tête et terminé, quoi. Alors, ça s'est vu. Gazebo, il a quand même fait quelques disques. Donc, il y a quand même des gens qui ont maintenu un semblant de carrière. Généralement, ils sont retournés en Italie aussi vite qu'ils en étaient sortis. Mais il y en a quelques-uns qui ont une petite carrière. Mais il y a. Notoriété. Ouais, parce que, pardon, dans ce que tu nous proposes un petit peu depuis ce début de sélection musicale, je trouve que c'est, pour le moment, c'est un des seuls où le timbre de voix te reste un petit peu en tête. Tout est mélodieux, entre guillemets, mais qui est pas que commercial, je trouve, non ? À l'oreille, en tout cas. Bah, c'est plus léger que le reste, je trouve. Dès qu'on rentre dans quelque chose d'un petit poil plus langoureux, la production, elle va être aussi un poil plus langoureuse, quoi. Et ça joue beaucoup dans le son final. Après, il a fait des choses plus rythmées qui sont de nouveau beaucoup moins intéressantes. Donc, pour le quart d'heure américain, est-ce que tu as comme ça d'autres artistes ou d'autres groupes à nous suggérer ? Alors oui, il y a des choses qui ont été faites tout à fait dans le même registre, plus ou moins intéressantes. Mm-hmm. J'ai pas retenu dans la sélection présente pour plutôt aborder un autre cas assez, enfin moi qui m'a fait un peu rigoler. Autant d'un côté on met beaucoup des nouveaux artistes en avant, c'est quand même pas mal de créations, je vais pas dire ex nihilo, mais presque pour la plupart. Et de temps en temps, et c'est le cas de l'exemple qui suit, en fait on allait même jusqu'à recycler des artistes qui venaient pas spécifiquement de là. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles recycler ? Eh ben, on prend le cas d'un morceau encore et toujours de 83 qui s'appelle Voulez-vous danser du groupe Richie et Poveri. Richie et Poveri, ils sont très connus pour un morceau comme Sarah Perquet Ti Amo. Tout le monde a. Ah oui, Ti Amo. Non, ça, c'est Umberto Tozzi. Ah, le mec, je suis démasqué, je suis un imposteur. C'est ça, imposteur Twix. Attends, je vais te passer un extrait, tu vas comprendre tout de suite. Donc en fait, eux, ils viennent de la romance napolitaine. Enfin voilà, c'est de la variété italienne, mais pur sucre. Et à un moment, pouf, pur sucre, mais oui. Oui, avec du miel autour ou pas ? Ouais, ça a carrosé et tout. Et en fait, ils se sont offert le luxe d'un morceau italo-disco. Donc c'est le fameux « Voulez-vous danser ?» Et ça a marché ? Bah écoute, ça a marché, oui. Ça s'est entendu, ça s'est diffusé. Est-ce que ça a été tubesque au point de faire triple platine ? Je suis pas sûr, mais ça s'est... Enfin, moi, je m'en souvenais, quoi. D'accord, bah je m'en souvenais vaguement. Bon, après, je vais pas... caché que c'est peut-être pas un titre que j'aurais retenu dans ma playlist personnelle, mais bon, c'est vrai que je m'en souvenais un petit peu. Bon, donc un petit bout comme ça pour voir. Et donc là, on a fait un petit peu le tour, on va dire, des standards, des bien posés, des bien pensants en niveau disco. Mais j'ai cru comprendre que dans l'italo-disco, on faisait un petit peu dans ce qu'on appelle les barrés. Alors, si je peux me permettre, avant qu'on développe, je vous propose d'écouter ça. C'est parti. Donc Donc là, tout est dit, hein, Tarzan Boy, Baltimora. Déjà, on a eu la chance d'en parler dans justement les clips pas ultimes, parce que dans le genre barré, on est pas mal. Et à titre personnel, j'ignorais que c'était carrément de la pure prod italo-disco. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est très notable, à minima au moins pour un fait très exceptionnel, c'est que c'est un des très rares morceaux italo-disco qui a cartonné en Angleterre. C'est marrant parce que, objectivement, c'est le pire des morceaux que tu nous as passé depuis le début, mais c'est celui que j'adore. Hein. Enfin, moi, tu vois, limite, c'est celui que j'ai honte d'aimer un petit peu. Hein. Moi, il m'avait marqué quand on était tous enfants, on s'amusait tous à faire le cri de Tarzan pendant cette chanson. Et puis le clip, il est kitschissime. Enfin, il est avec peau de bête et tout. Enfin, bon, je vous invite à réécouter notre podcast sur les clips pas ultimes. Mais ce titre, moi, m'avait vraiment, vraiment marqué. Après, je vais être tout à fait honnête, Baltimora, je suis incapable de dire ce qu'il a fait d'autre. Je crois qu'il a fait une autre chanson. Il a fait Jane. c'est ça, il a fait Jane Girl. Et puis voilà, un petit tour et s'en va. Moi, ça m'avait éclaté à l'époque. C'est un des très rares dans la sélection, si c'est pas même presque le seul, que j'avais acheté en 45 tours à l'époque. Oh, je suis sûr que tu l'as encore. Ah, mais j'en ai jeté aucun. Ah, bah, je veux bien te croire. Je les ai tous, mais celui-là, c'est un vrai. Et donc là, comme tu dis, c'est une des rares prods qui a, on va dire, fonctionné ou qui a marché en Grande-Bretagne. Alors, donc après Baltimora, tu parles toujours, dans les principes, les barrés, le groupe Andrea et la chanson, c'est I'm a Lover. Alors, dis-nous tout, Wiz. Déjà, c'est une chanson qui, à l'époque, m'éclatait aussi, que j'aurais aussi acheté en 45 tours si j'avais eu plus d'argent de poche. Maintenant, c'est trop tard. Ultra rare collector et tout. Je l'ai maintenant en 45 tours, mais voilà, c'est Emmaüs, un de plus. Merci Emmaüs. Ah, mais je ne remercierai jamais assez Emmaüs. Mmh. Et donc, c'est aussi pour l'anecdote, utilisé comme générique d'ouverture sur la pièce Le Tombeur quand elle a été reprise par Michel Leb en 86, hein, au début de la pièce. Enfin, je m'invente peut-être des souvenirs, mais je pensais que Leb chantait en français sur ce titre, non ? Alors, non, par contre, dans Le Tombeur, enfin pareil, la version télévisée de la pièce qui a été diffusée en 87, il y a un générique de fin qui est effectivement une chanson Le Tombeur, le bien nommé. Je suis un tombeur, un truc voilà, comme ça. Là. Tout à fait, chanté par Michel Leb. Si on s'écoutait un petit medley, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, mais c'est tout à fait faisable. Eh ben voilà, alors on s'écoute le medley, donc Andrea cross Michel Leb. J'ai la magie de Brando. La folie de Pacino, quelque chose d'italien en plus, ah, c'est trop. J'ai le regard de Newman, la force de Superman. I want a lover mag on the sunny stand, I want a feeling on the bag and on the one who man, I'm a lover. You wanna know the man on the Philistine? I want a king on a bag and all bad man. I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai. Per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i party chicchi con te, amici ricchi con una Bentley. Donc bah là on arrive quand même après les années 85 parce que Andrea et Tarzan Boy tout ça c'est vraiment production là c'est le gros du gros hein, 1985 et je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de l'histoire, à la fin de l'aventure parce que au niveau des productions il y a un moment je pense que les gens se lassent. Déjà ça a tourné quand même 7-8 ans ce qui est énorme hein, pour un genre musical. Et en parallèle, on met le personnage un peu plus en avant. Et là, on commence à avoir un peu plus de femmes. Dis-nous un petit peu, explique-nous. Ouais, c'est bizarre que c'est attendu aussi. Là, il faut il fallait peut-être un petit peu, pas se recycler, mais un peu se réinventer parce que... Peut-être qu'ils se sont dit que justement, ça allait permettre de trouver un nouveau souffle. Mais autant... C'est le cas de le dire, oui. C'est oui. Ah bah oui, ça va, tiens. Bah, oui. Toujours le mot pour rire, monsieur Twix. Donc je suppose qu'ils se sont dit après quelques années de domination plutôt masculine que on allait pouvoir repartir pour 7 ans en rave en changeant un petit peu la formule. Donc ça s'est un peu féminisé d'un coup. Autant c'est plutôt des hommes qu'on retient avant, autant là, dans vraiment la toute fin du mouvement, moi je retiens surtout deux artistes qu'on voyait souvent chez Jean-Pierre Foucault. Et en fait, donc d'un seul coup on change un petit peu de sexe, hein. D'un seul coup on est sur un personnage qui est quand même plus visuellement identifiable, parce qu'avant on disait le beau gosse, bah c'est un peu voilà, quoi. C'est une espèce de caricature de beau gosse qui peut être très interchangeable. Il y avait même des groupes où ils changeaient véritablement le... Les Big Jim. Oui, c'est ça, complètement. Quoi. Autant là, c'est, on ne peut pas prendre Spania, puisque c'est d'elle qu'il va s'agir, pour Sabrina. Chacune a sa petite Spania, spécificité. Spania, je ne me souviens plus. C'était quoi? C'était une femme en chair, un petit peu? Je ne me souviens vraiment pas. Non, elle avait... C'était une Bonnie Tyler, non? Like? C'était un peu une Bonnie Tyler like, avec des cheveux platine limite blanc. Oui, ça y est, c'est bon, ça me revient. Alors moi, je m'en souviens de ce morceau, parce que comme je te dis, ma sœur aînée devait écouter ça. En revanche, jusqu'à il y a peu, j'étais persuadé que là, on était carrément sur la côte est ou ouest des États-Unis. Hein, parce que là, on est dans les codes style Flashdance et tout et tout, au niveau musical, non? Oui, on est un petit peu plus là-dedans. Il ne faut pas oublier que Flashdance, ça a été aussi fait par Moroder, donc des fois, l'Italie, ouais. C'est ça. Non, mais il y a des références, je sais pas. Enfin, toute la boucle est bouclée. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est plus visuellement, c'est plus agressif, je trouve. Musicalement, ça l'est un poil plus. C'est pas ce que je préfère perso. Mais je me souviens qu'à l'époque, on la voyait assez. Pour moi, dans mes souvenirs, on la voyait assez souvent. Et puis, quand on la voit, on l'oublie pas, quoi. D'accord. Donc, un extrait pour voir. C'est pas mémorable, mais voilà, le personnage était là. Quoi. Et là, enfin, on va. Alors, je pense que là, sur ce titre, absolument personne ne se souvient de cet artiste qui est Sabrina. Tout à fait. Sabrina. Je suis un petit peu ému parce que le titre présenté, c'est évidemment Boys, Boys, Boys. Alors, on est dans la pure prod italienne. Hein. La chanson, je m'en souviens pas. 1987. En revanche, le clip, maillot de bain blanc, tout est là. Enfin, les codes. Le petit truc à la X secondes qui va bien. Un morceau d'anthologie, on peut le dire. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça a tellement marqué les foules que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le film Star 80. Non. Qui est pas honteux, hein, qui est... Autant j'étais assez dubitatif, autant ils se moquent d'eux-mêmes, c'est assez... Enfin, c'est rigolo, ça se laisse vraiment regarder. Et t'as la belle Sabrina qui est vraiment restée une très jolie femme et qui refait cette fameuse scène de la piscine en clin d'œil évidemment à son clip de 87. Et c'est très très drôle. Voilà, donc je vous un Sabrina, on va pas en rajouter plus, hein, on va se mettre un petit extrait et puis Sabrina. Quoi. Sabrina, enfin, que d'émotions, hein. C'est les petits garçons de 1987, ils étaient tous amoureux de cette très jolie femme. Mais quand même, à l'époque, il y avait la rivale, hein, qu'on a déjà tous évoqué. Il y avait le clan Sabrina et le clan Samantha. Alors moi, personnellement, J'étais Team Sabrina, mais c'était un genre, hein, parce que tu sentais que la Samantha, c'était plus la femme à poster de camionneur. Et là, je pense que Wiz, après donc Sabrina, je pense qu'on est arrivé au haut du haut du panier au niveau aura mondial. Oh bah là, c'est le feu d'artifice. Ah bah là, là, tu sors tous les artifices, c'est le cas de le dire. Et je pense que bah là, on est à la fin de l'aventure. Et est-ce que tu penses, toi, que... donc là, le mouvement, on va dire, Italo-Disco est complètement essoufflé. 10 ans, ça a tenu, c'est quand même très, très correct. Est-ce que tu as le sentiment quand même que il y a eu, on va dire, un renouveau de l'Italo ou une sorte de... On reste sur nos acquis pour relancer un peu la machine Italo ou quoi? Ce qui s'est passé ensuite, je pense que ça a globalement débouché sur de l'Eurodance ou des trucs comme ça. Ah là là, quelle horreur. Là, c'est même pas la peine. Même au quatrième degré, déjà à l'époque, je pouvais pas. Donc, pareil. Tous les Nitties, des trucs comme ça. Quoi, non ouais, donc non, autant... Et c'est vrai que maintenant qu'on y pense... là, avec ce que tu viens de décrypter et développer, l'Eurodance, c'est exactement sous le même modèle, hein, sauf que le style musical est un peu différent, mais au niveau groupe interchangeable, c'est la même structure. Hein. Oui, sauf que c'est monté un petit peu, c'est passé de Berlusconi à Merkel, quoi, enfin, globalement. On est plus dans des trucs néerlandais, belges, allemands, enfin voilà, Il n'y a pas de prod, il n'y a pas une grosse prod italienne sur ça. Je suis pas sûr. Il y a peut-être des trucs, hein, mais. Le gros de ce qui s'est débité en tranches, c'était plutôt teuton. Alors, juste un petit, pour clore ça, une petite influence côté français, j'ai sélectionné 3 morceaux, un de 85, un de 86 et un de 88. Et ça donnera une idée de l'influence qu'a pu avoir le mouvement Italo-Disco sur la variété française. Donc j'ai fait un petit medley des trois et puis on va voir ce que ça donne. Alors moi je dis objection, Wiz. Hein. Ah bon? Parce que Voyage, Desireless, 86, moi je suis pas du tout d'accord. Hein. J'ai pas l'impression que c'est dans la mouvance Italo-Disco. Autant je te rejoins, mais à 200% sur début de soirée, Nuit de Folie, titre de 88. Dans les codes, même dans le code vestimentaire, on est complètement dans le style. Et dans le clip aussi. Mais là, Voyage, pour moi, c'est plus de la prod à la française, tu vois. Ou, tu sais, un peu austère, un petit peu, tu sais. On est un peu dans les... Oh, c'est bizarre, tu vois, tu vois. Ah bah, tout était bizarre, hein. Et alors que Nuit de Folie, là, on est ah, Berlusconi, allez, c'est parti, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tu vois. Disons que j'ai essayé... Voilà, c'était le mystique que je cherchais un petit peu dans Desireless, pardonne-moi. Ah non, mais enfin, et puis elle a fait plus mystique après, mais disons que j'ai sélectionné les trois. Alors effectivement, Magazine 60 et Début de Soirée, c'est plus net, mais je trouve qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de morceaux complètement synthés, qui ne soient pas, comment dirais-je, Isabelle a les yeux bleus, donc là, on est dans de la et pop. Gwendoline a les yeux verts. Mais c'est ça. On est dans de la pop synthé, mais c'est pas Gwendoline a les yeux verts. Personnellement, j'aime pas du tout hein, le Magazine 60. Hein. Autant j'ai un petit affect, Nuit de Folie, bon. On va pas se mentir, c'est pas un super super groupe, mais bon, ça reste dans la culture populaire. Desireless, c'est efficace. L'autre, bof, quoi. Par contre, je trouve qu'il y a quand même il y a une petite parenté plus ou moins évidente. Effectivement, Desireless est quand même dans son monde à elle. Mais pour moi, il y a quand même ce côté très calibré, très synthé. Oui, oui, mais je vois pas le lien avec l'Italo Disco. Je reste sur le truc classique, quoi. C'est synthé, c'est mélodieux et c'est sur une rythmique qui est quand même disco. C'est plus éloigné, c'est une demi-sœur ou une cousine par alliance, si tu préfères. Mais pour moi, il y a un petit... Enfin, voilà, c'est très perso, mais je trouve qu'il y a un petit peu de lien. Enfin, pour conclure, c'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. C'est ça. Voilà. Bon, enfin, bon, bref, pour clôturer, cher ami, selon toi, le genre italo-disco, on va dire sous toutes ses formes, parce qu'on a vu qu'il y avait des sous-genres, est-ce que t'as le sentiment que d'une manière générale, c'est écoutable aujourd'hui, est-ce que ça a bien vieilli ? Alors, je trouve que les chansons en elles-mêmes, elles passent le test parce qu'elles en ont toujours en tête. La prod, elle est datée. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est super daté. Mais je trouve que l'efficacité reste et qu'il y a des chansons qui, enfin, tu les passes aujourd'hui et les gens vont encore se trémousser avec leur caipirinha. Donc, pour moi, ça n'a pas si mal vieilli. La production est datée, mais il y a des tas de trucs qui sont datés et qui marchent encore. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai vraiment. Je continue à avoir une petite tendresse et de temps en temps, moi, c'est de la musique qui me file la pêche, quoi. Si j'ai un coup de mou, je peux sortir autre chose, mais je peux sortir ça. Et si t'as la pêche, tu te mets Desireless. Enfin, si t'as un coup de mou, tu te mets Desireless. Et tout va bien. C'est Desireless, un col roulé, et puis c'est bon. Et puis tu te prends. Voilà. Bah, moi, si je peux. Autant j'étais très enthousiaste à préparer le sujet parce que j'étais vraiment resté dans les codes pré-années 80. C'est vraiment un genre musical que j'affectionne toujours autant. D'ailleurs, on l'entend quand tu écoutes la radio, les Supernature, tout ça, c'est des titres qui sont repris actuellement. Je trouve que c'est un genre intemporel. Encore une fois, belle découverte sur le groupe Space avec le titre Magic Fly. Néanmoins, ce que tu m'as proposé, Tarzan Boy, des trucs barrés, je suis assez client. En revanche, les trucs Vamos a la Playa et des trucs un peu dans ce genre-là, je suis pas client, quoi. Je vais être honnête. Hein. Sabrina, larme à l'œil parce que premiers émois amoureux. Voilà, mais sinon, d'une manière générale, ça passe en, on va dire, en discothèque. Oh, on va danser puisqu'on va faire les pitres dessus, mais ce sera pas spécialement des playlists qui seront dans mon baladeur. Voilà. Oh bah, l'idée là encore, hein, ce n'était pas de faire une sélection de musique de qualité pour passer sur FIP. Voilà, ça n'a jamais été le but. Après, hein. C'est dansant, hein, c'est festif, c'est des titres, je suis persuadé, qui sortaient, on va dire, dans les périodes estivales. Tout est fait pour que tu poses ton cerveau, t'écoutes et tu t'amuses. Hein, donc le boulot est rempli. Hein. Et c'est typiquement en ça que je trouve que c'est pas encore si à la ramasse que ça, parce que je trouve que ça fait encore bien son office. Mais en connaissance de ce que c'est, quoi. Voilà. En tout cas, pour se remonter après un coup de mou, ça vaut le Sunny Delight. D'accord. Ok, c'est parfait. Eh ben, merci Wiz, donc cette émission arrive à sa fin. Est-ce que t'as éventuellement un dernier titre à nous proposer pour clôturer ce cadeau bonus ? On a commencé très rapidement sur P. Lyon et son top 50. Classique. En fait, il avait fait un autre morceau qui est à trois notes près exactement la même chose. Et moi, en fait, c'est le premier, c'est ma première découverte vraiment des classiques de l'Italo Disco. Je l'avais en cassette à l'époque. Eh ben, on va se quitter donc sur le titre P. Lyon, Happy Children. 1983. À très vite, ciao ciao. À bientôt tout le monde. Super Nature. Super Nature. Super Nature. Super Nature. Super Nature.